الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication du livre de l'imam Ibn Aqil رحمه الله تعالى intitulé فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروع، chapitre sur les politesses et les nobles caractères légiférés. Nous allons commencer aujourd'hui par voir le passage où l'auteur rahimahullah ta'ala a abordé les différents moyens de se soigner lorsque l'on est atteint par une maladie. Et il a dit rahimahullah wa la ba'sa bi asma'illahi ta'ala wa kadhalika at-ta'wid bihi. Et il n'y a pas de mal par les noms d'Allah, c'est-à-dire il n'y a pas de mal à pratiquer la ruqya par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également le fait de chercher refuge par ces noms. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala a commencé par aborder le sujet de la ruqya, qui consiste à prononcer certaines paroles sur soi-même ou sur une personne malade afin de repousser un mal ou de le dissiper. Et la ruqya, comme le dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, il n'y a pas de mal en celle-ci, c'est-à-dire qu'elle est permise, si celle-ci a lieu par les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou par le Coran, ou par des invocations prophétiques. Il n'y a pas de gêne en cela, et même, cela peut être, dans certains cas, recommandé. La preuve qu'il n'y a pas de mal dans la ruqya est le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, d'après Auf ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a dit: nous avions pour habitude de pratiquer la ruqya dans la jahiliya, avant l'islam. Nous avons alors dit: ô messager d'Allah, que penses-tu de cela? Il dit alors: présentez-moi, exposez-moi vos ruqya, vos formules que vous prononcez. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: il n'y a pas de mal dans les ruqa, les incantations qui sont prononcées, tant qu'elles ne contiennent pas de shirk. C'est-à-dire tant qu'elles ne contiennent pas de termes ou de paroles relevant du polythéisme. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit que la ruqya, concernant celui qui la pratique, elle est recommandée. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: celui parmi vous qui peut être utile à son frère alors qu'il le fasse. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Il y a donc ici une recommandation de la pratique de la ruqya. C'est-à-dire que si tu sais que ton frère est malade, ou que ta sœur est malade, ou quelqu'un parmi tes proches, et que tu peux lui être utile en récitant sur lui quelques versets du Coran, surat al-Fatiha, ou des invocations prophétiques, alors ceci est une bonne chose et cela est même recommandé. Celui parmi vous qui peut être utile à son frère qu'il le fasse, et qu'il n'attende pas qu'il le sollicite pour cela, car solliciter la ruqya est détestable. Le fait de demander à ce qu'on te fasse ruqya si tu es malade, ceci est une chose qui est détestable, comme cela est venu dans le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, au sujet des 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a décrits et a mentionné certaines de leurs caractéristiques, et parmi elles, le fait qu'ils ne demandent pas la ruqya, c'est-à-dire qu'ils ne demandent pas qu'on pratique sur eux la ruqya. Ils ont donc détestable de la demander. Mais si quelqu'un leur propose de pratiquer sur eux la ruqya, nul gêne d'accepter cela, incha'Allah ta'ala, et ceci ne s'oppose pas à ce qui est venu dans ce hadith. Donc les gens de science sont unanimes sur la permission de la ruqya, à condition que se réunissent en elle trois choses. La première est que celle-ci soit pratiquée par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, ou alors les noms d'Allah et ses attributs, ou ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. C'est-à-dire qu'elle ne soit pratiquée que par des paroles rapportées et légiférer. La deuxième condition est qu'elle soit pratiquée en langue arabe. et qu'on ne prononce que des mots dont on connaît le sens. Car les mots dont on ignore le sens, il se peut qu'ils relèvent du polythéisme. Il se peut parfois que certains charlatans, se faisant passer pour des gens pratiquant la ruqya, ordonnent au malade de prononcer certaines paroles, et que le malade ignore le sens de ces paroles, que ce soit des mots incompréhensibles. Alors dans ce cas-là, il ne doit pas les prononcer. Et il ne prononce, comme on a dit, que des paroles d'Allah, des invocations par les noms d'Allah ou ses attributs, et des invocations rapportées authentiquement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais tout ce dont il ignore le sens, il le délaisse. Il se peut que ce soit des invocations des djinns, ou des paroles relevant du polythéisme, ou autre chose semblable, et c'est pour cela que la prudence est de mise et qu'il convient de le délaisser. Car il n'y a pas de mal dans la ruqya, tant qu'elle ne contient pas de polythéisme. La troisième condition que les gens de science ont mentionnée est que la personne ait la ferme conviction que la ruqya, ce n'est pas elle qui a un effet en elle-même, mais l'effet est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide si cette ruqya sera utile ou non pour le malade. La ruqya en elle-même ne peut rien, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit, c'est lui al-shafi, celui qui guérit ses serviteurs malades. Et ça, c'est très important. Et ceci est directement lié à la croyance, et plus particulièrement au tawakkul. Car nombre de personnes, lorsqu'elles sont malades, elles vont lier leur cœur aux causes, s'attacher à ces causes et s'en remettre aux causes. Que ce soit à la ruqya ou à un raqi, ou alors aux médicaments, ou à un hôpital, ou un médecin, ou autre chose semblable. Comme si c'était ces causes en elles-mêmes qui allaient lui apporter la guérison. Et on retrouve particulièrement cela dans le domaine de la ruqya, où on entend parfois certaines personnes dire « Oui, mais tel raqi, celui-ci, il a de l'effet, ou des paroles semblables. » Et tu le vois s'attacher à ce raqi, oubliant que la guérison ne provient que d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associé. Donc il faut prendre garde à cela, et ne pas mettre en péril ta croyance pour chercher la guérison d'une maladie. Car la maladie du shirk, la maladie de s'en remettre à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus grave que ce mal pour lequel tu as fait pratiquer sur toi la ruqya. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc pour être permise, la ruqya doit impérativement remplir ces trois conditions que l'on a citées. Si ce n'est pas le cas, alors la ruqya n'est pas légiférée. C'est le cas de la ruqya qui relève du shirk akbar, du polythéisme majeur. Celle dont on a la conviction qu'elle profite en elle-même sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou celle qui, lors de sa pratique, est invoquée autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la ruqya par les noms des djinns, les noms des anges, les noms des prophètes et des vertueux, ou autre chose semblable relevant de l'invocation et de l'imploration du secours d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui met en pratique ce genre de ruqya, il s'est rendu coupable du plus grave des péchés qui est le polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Et s'il meurt dans cette situation, il ne sera pas pardonné, le paradis lui sera interdit et son refuge sera le feu de l'enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Également parmi les ruqya qui ne sont pas légiférées, il y a celles qui sont interdites comme celles où on prononce des paroles dont on ignore le sens, qui sont des paroles qui peuvent mener au polythéisme. Et les gens de science ont mentionné également que parmi la ruqya, il y en a certaines qui sont détestables, et c'est celles qui ont lieu par autre que le Coran et la Sunna, par des paroles autres que les paroles d'Allah ou les invocations prophétiques rapportées authentiquement dans la Sunna de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « Faslun, wattadawi bil hijama, wal fazdi, wal kayyi, wa shurbil adwiyati, ja'iz. » Et le fait de se soigner par la hijama, par la saignée, par la cautérisation et par la consommation de médicaments est permis. Ceci est une chose permise, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith, authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, « Soignez-vous aux serviteurs d'Allah. » À partir de là, les gens de science ont divergé concernant le jugement de se soigner lorsqu'on est malade. Certains ont dit que cela était une chose permise. D'autres ont dit que délaisser le fait de se soigner est plus méritoire, car cela est plus proche de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont dit que cela n'est pas obligatoire, même si on pense que cela est profitable. Et la preuve qu'ils ont mentionnée à ce sujet est le récit de cette femme vertueuse qui faisait des crises d'épilepsie et se découvrait. Cette dernière demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'invoquer en sa faveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Si tu le veux, tu patientes et tu auras le paradis. Et si tu le veux, j'invoque Allah en ta faveur afin qu'il te guérisse. » Il lui a laissé le choix entre le fait d'invoquer en sa faveur pour qu'elle soit guérie par Allah subhanahu wa ta'ala ou le fait de patienter sur sa maladie et obtenir en rétribution de cette belle patience le paradis. Et on voit à travers cela le mérite de patienter sur la maladie. Car cette maladie, c'est une expiation des péchés. Pour celui qui patiente, pour celui qui ne s'indigne pas du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'agit que d'une manière qui plaît à Allah, alors nul doute que cette maladie est un bien pour lui. C'est une cause de purification, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait lorsqu'il visitait un malade, la basse, tahurun insha'Allah. Il n'y a pas de mal, c'est une purification, inshallah. Donc le musulman ne doit pas se plaindre lorsqu'il est touché par une maladie. Mais il fait preuve de patience et il endure. Et il espère d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense et l'expiation de ses péchés, de ses mauvaises actions. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cette femme que si elle patientait, elle aurait le paradis. Elle dit alors, je vais patienter. Je vais patienter. Comment ne patienterait-elle pas sur cette maladie temporaire dans ce bas monde, si elle sait qu'après cela, elle va obtenir la meilleure des rétributions qui est l'entrée dans un paradis éternel dans lequel elle ne connaîtra plus aucune souffrance ni aucune douleur. N'est-ce pas une récompense immense? N'est-ce pas ce paradis que nous recherchons tous? Rappelle-toi de cela lorsque tu es éprouvé, que ce soit par une maladie ou toute autre épreuve qui peut t'atteindre dans ce bas monde. Patiente. Ce bas monde n'est pas éternel, tu n'es que de passage. Aussi longue soit cette épreuve, elle aura une fin. Et si tu as fait preuve de patience que tu as enduré, alors cette épreuve ne sera pour toi qu'un bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle dit donc, je vais patienter. Puis elle dit, toutefois je me découvre. Lorsqu'elle faisait ses crises, elle tombait et une partie de son corps se découvrait. Et en raison de sa grande vertu et son désir de ne pas être vue par des hommes étrangers, bien que ceci soit involontaire et qu'elle n'ait pas de péché. Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoque donc Allah pour que je ne me découvre plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua en sa faveur. Et on rapporte que celle-ci était ensuite atteinte par ces mêmes crises et elle ne se découvrait plus car Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé l'invocation de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit à travers ce hadith le mérite de la patience sur la maladie et le fait qu'il n'est pas une obligation pour le malade de chercher à se soigner. Car cette femme, il lui a été proposé de patienter pour obtenir une rétribution auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à partir de là, ils ont dit que ceci est ce qu'il y a de plus proche du tawakkul. Et parmi les bénéfices que l'on tire de ce hadith également, comme on a dit, l'importance de la pudeur et qu'il fait partie des plus grandes caractéristiques de la femme vertueuse qu'elle cherche à se préserver de la vue et du regard de tout homme étranger et par conséquent qu'elle ne s'exhibe pas et qu'elle ne s'expose pas aux yeux des hommes étrangers. Concernant le fait de se soigner, l'imam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit qu'il y avait trois cas de figure. Le premier est que la personne soit malade et qu'elle sait ou que tout laisse à penser qu'il y a un traitement qui sera profitable pour elle et que si elle ne le prend pas, alors il est probable qu'elle perde la vie. Dans ce cas-là, il nous dit que se soigner est une obligation. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wa la taqtulu anfusakum » et ne vous tuez pas vous-même. Celui qui a une maladie, qui a un traitement qui lui est proposé, il sait que ce traitement peut être profitable et le soigner bi'inillahi ta'ala de cette maladie. Et s'il ne le prend pas, il risque de mourir. Dans ce cas-là, le traitement est obligatoire. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, a donné l'exemple du cancer qui touche un membre qui peut être amputé. Et que si la personne est amputée de ce membre, elle sera guérie bi'idhnillahi ta'ala. Il dit, dans ce cas-là, c'est une obligation. Car si elle ne le fait pas, elle risque de mourir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de faire une chose qui mènera la personne à sa propre mort. Le deuxième cas de figure est que tout laisse à penser ou qu'il sache que ce traitement est profitable, mais qu'il n'y a pas de risque de mort s'il ne le prend pas. Il ne risque pas sa vie en délaissant ce traitement. Dans ce cas-là, se soigner est plus méritoire et préférable. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, « Soignez-vous aux serviteurs d'Allah ». Donc si tu sais que le traitement peut être profitable pour toi, qu'il y a un bien en cela, soigne-toi. D'autant plus si tu sais que tu manques de patience, ou alors que cette maladie te prive de l'accomplissement de nombre d'actions que tu peux accomplir lorsque tu es en bonne santé. Dans ce cas-là, cherche à te soigner afin de pouvoir revenir à tes bonnes habitudes, inshallah ta'ala. Le troisième cas de figure est qu'il est probable que le traitement soit profitable, tout comme il se peut qu'il n'ait aucun effet. Tu ne sais pas vraiment. Parfois, ce traitement est profitable et c'est une cause de guérison pour les gens. Et parfois, il n'est pas utile et il n'a pas d'effet. Dans ce cas-là, il nous dit, ce genre de traitement, il est préférable de le délaisser car ceci est plus proche du tawakkul. Ceci est plus proche de la confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc revenons ensuite aux différents traitements que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné. Il a commencé par citer la hijama. La hijama que vous connaissez tous, qui consiste à faire de légères incisions sur la surface de la peau afin d'en faire sortir le sang à l'aide de ventouses. Donc la hijama, elle est permise. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à son sujet, la meilleure des choses par laquelle vous pouvez vous soigner est la hijama. Et le hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Et lui-même a eu recours à la hijama pour se soigner, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullahu ta'ala, a mentionné al-fazd. Al-fazd qui désigne la saignée. C'est une intervention qui consiste à faire une ponction dans une veine pour en faire sortir le sang. Donc ceci est une chose qui est proche de la hijama, sauf que, contrairement à la hijama, ici on fait sortir le sang de la veine et non pas de la peau. Donc ces deux remèdes, il est permis d'y avoir recours en cas de besoin. Et l'imam Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit que la hijama était un remède auquel il est permis d'avoir recours, mais ce n'est pas une sunna de la pratiquer en soi. C'est-à-dire que si la personne n'en a pas besoin, il ne lui est pas demandé, il n'est pas attendu d'elle qu'elle pratique la hijama. Mais si elle en a besoin, qu'elle a besoin de se soigner, ou qu'elle en a besoin à titre préventif, alors ceci est recommandé, suivant ainsi le modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu recours à la hijama. Mais si tu n'en as pas besoin, ni à titre préventif, ni pour te soigner, alors il n'est pas attendu de toi que tu aies recours à la hijama. Concernant les moments où il est recommandé de pratiquer la hijama, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a mentionné à ce sujet que les jours rapportés et les moments particuliers où il est recommandé de pratiquer la hijama, ils doivent être visés lorsque celle-ci est pratiquée à titre préventif, pour se prévenir de certaines maladies. Mais si la personne en a besoin pour se soigner, que la maladie est présente, alors elle pratique la hijama à n'importe quel moment, quel que soit le jour ou la partie du mois dans laquelle elle se trouve. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné la cautérisation, qui consiste à brûler une partie de la peau à l'aide d'un morceau de fer chaud ou autre chose semblable. La preuve de la permission de cette pratique est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé un médecin à Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu. Ce dernier lui a coupé une veine et il a pratiqué sur lui la cautérisation. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Et Anas, radiyallahu anhu, rapporte qu'on pratiqua sur lui la cautérisation alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était vivant. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Il est donc permis d'avoir recours à la cautérisation. Et certains parmi les gens de science ont dit que ceci est détestable, mais que cela est permis en cas de nécessité. Et ils ont mentionné comme preuve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « La guérison se trouve en trois choses, l'incision de celui qui fait la hijama, une gorgée de miel et la cautérisation par le feu. Et j'interdis à ma communauté la cautérisation. » Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Et dans un autre hadith, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et je n'aime pas avoir recours à la cautérisation. » Donc on voit ici différents hadiths qui, en apparence, peuvent avoir un sens contradictoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un médecin à un de ses compagnons qui lui a pratiqué la cautérisation. Un autre dit qu'il l'a pratiqué alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Puis on a ce hadith où la cautérisation est interdite. Et l'autre où il dit qu'il n'aime pas la cautérisation. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit à ce sujet que les hadiths sur la cautérisation sont de trois sortes. Premièrement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pratiqué. Deuxièmement, qu'il ne l'aime pas. Troisièmement, qu'il a fait les éloges de ceux qui la délaissent. Et quatrièmement, qu'il l'a interdit. Puis il dit, rahimahullah, et il n'y a pas de contradiction entre cela, bihamdillahi ta'ala. Car sa pratique démontre la permission. Méditez bien sur cette manière d'analyser les hadiths de notre messager sallallahu alayhi wa sallam par ce grand imam, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Regardez comment il déduit les choses de ces différents hadiths. Il dit sa pratique démontre la permission. Il l'a fait, donc ça nous démontre que cela est permis. Le fait qu'il ne l'aime pas ne démontre pas l'interdiction. Le fait qu'il fasse les éloges de celui qui le délaisse, qui délaisse la cautérisation, démontre que délaisser cela est meilleur et préférable. Et son interdiction de pratiquer la cautérisation démontre que cela est détestable ou alors démontre que celui qui n'en a pas besoin, mais qui le fait à titre préventif, alors ceci lui est interdit. Fin de citation de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala selon le sens rapproché et résumé. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala lui nous dit que ces différents remèdes, ces différents moyens de traitement sont permis. La hijama, la saignée, la cautérisation et consommer des médicaments. Même parmi les médicaments modernes que l'on peut consommer aujourd'hui. Il n'y a pas de gêne en cela tant qu'ils ne sont pas nuisibles pour la personne et tant qu'ils ne contiennent rien d'interdit. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit ensuite « Wala yajuz at-tadawi bi-muharram wala najis » Et il n'est pas permis de se soigner par une chose interdite ni par une chose impure. Que ce soit une chose que tu bois ou que tu manges, il n'est pas permis d'y avoir recours pour te soigner. Et on rapporte dans un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et ne vous soignez pas par une chose interdite. » Le hadith est rapporté par Abu Daoud, toutefois, il a été jugé faible par l'imam al-Albani, rahimahumallahu ta'ala. Quoi qu'il en soit, il reste interdit pour la personne d'avoir recours à une chose interdite pour se soigner. Que ce soit une chose que tu bois ou une chose que tu manges. Et de la même manière, on n'a pas recours à l'écoute de choses interdites pour se soigner. Comme certaines personnes aujourd'hui qui font des thérapies en écoutant de la musique, et qui prétendent que ceci leur fait du bien et les soulage ou autre chose semblable parmi les absurdités que l'on peut entendre. Tout ceci ne fait partie que des pièges du diable et de ses ruses. Car la musique, elle fait pousser l'hypocrisie dans le cœur de la personne comme on l'a vu dans le cours précédent. Et celui qui souhaite se soigner, il n'y a pas mieux que d'avoir recours au Coran, à lire le Coran, à le réciter avec l'intention d'obtenir la guérison de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cela qui est demandé. Car la ruqya, nous n'avons pas précisé cela tout à l'heure, ce n'est pas une condition que ce soit autrui qui la pratique sur toi. Mais si tu en as besoin, tu peux la pratiquer toi-même. Et nul besoin d'avoir recours à un raqi ou je ne sais quoi. Mais le mieux est que tu le fasses toi-même. Et tu peux le faire tout simplement en récitant surat al-Fatiha. Et nul doute que ceci fait partie des meilleurs remèdes, bi'inillahi ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit « وَقَدْ رُوِيَا عَنْ أَحْمَدْ كَرَاهَةُ الْكَيْ وَقَطْعِ الْعُرُوقِ وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى أَصَحْ » Il dit, on en a rapporté de Ahmed, de l'imam Ahmed, rahimahullah, qu'il est détestable d'avoir recours à la cautérisation et au fait de couper les veines est la première narration qui rapporte la permission est plus juste et plus authentique. Wallahu ta'ala a'lam. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, après avoir mentionné cela, il est passé à un autre sujet qui concerne le fait de tuer certaines bêtes qui sont nuisibles. Et il a mentionné plus particulièrement le fait de tuer les serpents. Nul doute que le serpent fait partie des bêtes nuisibles. Et les serpents qui se trouvent à l'extérieur, il est recommandé de les tuer de manière absolue, quel qu'il soit. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, tuez les serpents, tuez les serpents. Et dans un autre hadith, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y a 5 bêtes nuisibles qui sont tuées que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire sacré. Et il a mentionné parmi elles le serpent, et également le corbeau, le scorpion, la souris et le chien enragé. Al-Hafidh Ibn Abdilbar, rahimahullahu ta'ala, a dit, les savants sont unanimes sur la permission de tuer les serpents à l'extérieur, qu'ils soient petits ou grands, quelle que soit la sorte de ces serpents. On rapporte de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu, que lorsqu'il sut l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de tuer les serpents, il n'en laissait pas un vivant lorsqu'il le voyait. Alors dès qu'il en voyait un, il le tuait. Et alors qu'il était un jour en train de poursuivre un serpent, parmi ceux qui se trouvent dans les maisons, Zayd ibn al-Khattab et Abu Lubaba sont passés à proximité de lui. Et ils lui ont dit, que fais-tu, Abdullah? Il a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de les tuer. Ils lui dirent alors, certes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de tuer ceux qui se trouvent dans les maisons. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si le serpent est dehors, il est tué de façon absolue. Il est recommandé même de le tuer, car il est nuisible. Mais s'il est chez toi, qu'il est entré dans la maison, alors, avant de le tuer, il est légiféré de l'avertir. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, وَمَنْ رَأَى مِنَ الْحَيَّاتِ شَيْئًا فِي مَنْزِلِهِ فَلْيُؤْذِنْهُ ثَلَاثًا وَإِنْ بَدَى لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَتَلَهُ. Et celui qui voit un serpent chez lui, qu'il l'avertisse à 3 reprises. Il est recommandé, avant de le tuer, de l'avertir à 3 reprises. Et s'il le voit encore après cela, alors qu'il le tue. Si après l'avoir averti à 3 reprises, le serpent est encore présent, alors, à ce moment-là, tu vas le tuer. Mais avant de le tuer, tu vas l'avertir. Pourquoi? Car il est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qu'il a dit, il y a à Médine des djinns qui sont entrés en islam. Si vous en voyez, c'est-à-dire sous forme de serpent, avertissez-les durant 3 jours. Et si vous le voyez encore après cela, tuez-le, car c'est certain diable. Et dans une autre narration, il a dit, si vous en voyez, alors dites-leur à 3 reprises que vous les défendez de rester. S'ils partent, alors on ne va pas les tuer. Sinon, tuez-le, car c'est un mécréant. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. On voit donc qu'il est recommandé, avant de tuer le serpent qui se trouve dans une maison, de l'avertir à 3 reprises, et ce afin qu'il sorte, et de ne pas le tuer directement. Et ce en lui disant, comme on va le voir, « Je te défends de rester chez moi » ou autre parole semblable. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, « وَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدْ رَحِمَهُ اللَّهِ إِنْ كَانَ ذُو التُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ قَتَلَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ » L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, a dit, « Mais si ce serpent a telle ou telle caractéristique, alors il le tue sans l'avertir. » Et il mentionna 2 caractéristiques qui sont que le serpent soit « ذو التُّفْيَتَيْن ». L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit, « وَذُو التُّفْيَتَيْن الَّذِي بِظَهَرِي خَطٌ أَصْوَدٌ » C'est celui qui a sur son dos un trait noir. Et d'autres ont dit 2 traits, c'est-à-dire 2 traits blancs. Et il se peut que il n'y ait pas de contradiction entre ces 2 paroles, qu'il y ait 2 traits blancs et un trait noir au milieu de ces 2 traits blancs. Wallahu ta'ala a'lam. Et il dit, wal abtar al-ghaliz al-qasir al-dhanab. C'est celui qui a une petite queue, et d'autres ont dit celui qui a la queue coupée. Ces deux sortes de serpents, on ne les avertit pas. Et si on les voit, on peut les tuer directement car ils sont très venimeux, ils sont dangereux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, tuez les serpents et tuez dhat tufiyatayn, celui qui a les deux traits, ou al-abtar, celui qui a la queue coupée, car ils retirent la vue et ils font avorter la femme. C'est-à-dire que la femme, si elle les voit alors qu'elle est enceinte et qu'elle a peur, généralement, ceci est la cause d'une fausse couche. Donc, ceci fait partie des raisons pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de tuer directement cette sorte de serpent, et ce même sans l'avertir, en raison du danger encouru. Quant aux autres serpents, qui ne sont pas dangereux, si tu les vois dans ton domicile, tu lui ordonnes de sortir avant de le tuer. Et tu ne le tueras que s'il est encore présent après l'avoir averti à 3 reprises. Et il nous dit, rahimahullah, وَصِفَةُ الْقَوْلِ الَّذِي يُؤْذِنُهُ اِمْضِي بِسَلَامٍ أَوْ اِذْهَبْ بِسَلَامٍ. Et la manière de l'avertir est de lui dire, pars en paix ou va-t'en en paix. Et l'imam ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit que ceci a lieu en disant, أُحَرِّجُ عَلَيْكَ أَن تَكُونِي فِي بَيْتِي. Je te défends de rester chez moi. Ou une parole semblable qui indique qu'il l'avertit et qu'il ne lui permet pas de rester dans sa maison, afin que ce serpent sorte. Et s'il ne sort pas, après 3 avertissements, ce n'est pas une condition que ce soit fait durant 3 jours, mais 3 fois de suite, s'il n'y a pas de gêne, alors, s'il est encore présent, il le tue. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une autre question et il a dit « Wayajuz qatlul awzar » et il est permis de tuer « al-awzar ». Al-wazar, c'est une sorte de gros lézard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le tuer, comme cela est venu dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Et dans la version de al-Bukhari, rahimahullah, il est venu que cette sorte de lézard soufflait sur le feu d'Ibrahim, c'est-à-dire qu'il soufflait pour attiser le feu qui avait été préparé pour brûler Ibrahim, alayhi salam. À partir de là, certains savants ont dit, comme al-Nawawi ou l'imam ibn Uthaymin, rahimahumallahu ta'ala, qu'il est recommandé de les tuer, pas seulement permis. L'auteur ici, il nous dit cela est permis. Mais en réalité, c'est recommandé. Et parmi les preuves que cela est recommandé, il y a le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui tue un wazar, cette sorte de gros lézard, du premier coup, on lui inscrit 100 hasana, et celui qui le tue au deuxième coup, on lui inscrit moins que cela, et celui qui le tue au troisième coup, on lui inscrit moins que cela. » Donc on voit ici la recommandation de les tuer, plus la personne le tuera rapidement en le tuant du premier coup, plus sa récompense sera grande. Bi'inillahi ta'ala. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وَلَا يَجُوز قَتْلُ النَّمْلِ وَلَا تَخْرِيبُ أَحْجِرَتِهِنْ. Et il n'est pas permis de tuer les fourmis, ni de détruire leur nid. Il n'est pas permis de tuer les fourmis, et il n'est pas permis de détruire leur nid. Et ce car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit de tuer 4 bêtes, et parmi elles, les fourmis. Il n'est donc pas permis de tuer les fourmis sans raison. Car ceci a été interdit par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, si ces fourmis causent une nuisance, alors dans ce cas-là, il sera permis de les tuer s'il y a un besoin en cela. Toutefois, il n'est pas permis de les tuer par le feu. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le hadith authentique, seul Allah châtie par le feu. Quant à nous, il ne nous est pas permis de châtier qui que ce soit, même une petite bête comme la fourmi, par le feu. Donc il n'est pas permis de la tuer à la base, mais s'il y a un besoin, que celle-ci est nuisible, il sera permis de la tuer à hauteur de la nuisance, bi'inillahi ta'ala. Ensuite il dit, وَيُكْرَهْ قَتْلُ الْقَمْلِ بِالنَّارِ. Et il est détestable de tuer les poux par le feu. Et ce en raison du hadith que l'on vient de mentionner. Ensuite l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, وَلَا يَحِلُّ قَتْلُ الدَّفَاضِعِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَا عَنْ قَتْلِ الدِّفْضَعِ. Et il n'est pas permis de tuer les grenouilles, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de le tuer, comme cela est venu dans un hadith dans lequel un médecin avait mentionné un remède dans lequel était mis de la grenouille ou du crapaud. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer la grenouille. Il est donc interdit pour le musulman de tuer cette bête qui n'est pas une bête nuisible. Donc en résumé, pour faire une synthèse sur cette question, on dira que toute bête qui est nuisible de par sa nature, il est recommandé de la tuer. Que ce soit celle venue dans le hadith comme le serpent, le scorpion, le corbeau, la souris, le chien enragé, ou autre parmi les bêtes nuisibles, comme les moustiques par exemple, ou autre chose semblable. Cela, il est recommandé de les tuer, il n'y a pas de gêne en cela. Car ils sont nuisibles, on repousse donc leur nuisance en les tuant. Et les autres bêtes, ce sont celles qui ne sont pas nuisibles. Dans ce cas-là, celles-ci ne sont pas tuées, mais ceci ne signifie pas que les tuer est interdit. Mais le mieux est de les laisser en vie et de ne pas leur causer de tort tant que celles-ci ne sont pas nuisibles. D'autant plus s'il y a un intérêt dans le fait de les laisser en vie. Comme c'est le cas des fourmis et des abeilles, par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de tuer, qui jouent un grand rôle dans l'écosystème, subhanallah. Et nombre de bêtes qui sont utiles en cela, et c'est pour cela qu'il est préférable de ne pas les tuer. Wallahu ta'ala a'lam. On a donc terminé sur cette partie, et on lira la suite des paroles de l'auteur dans le prochain cours. Inch'Allahu ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين